solitude se ressemble. Tu es le sens de ma vie, au cœur de nos nuits. La tendresse enlove nos deux vies. On rêve tout éveillé, qu'on invente l'éternité. L'amour est le sens unique de nos deux vies. Mais le sens de la vie est aussi à double sens. Je suis ici, toi là-bas, là, tu n'es plus là. On vit chacun notre vie. Je suis ailleurs, toi aussi. Oh, combien de nuits! Oh, toutes ces nuits que l'on a blanchies dans les bras d'une autre vie, à chercher ailleurs qu'ensemble le sens inconnu de notre amour qui n'est qu'un aller-retour. Car on reviendra toujours vers notre amour. C'est toi, mon